when you practice vipassana meditation according to the teachings of the Buddha, you try to understand what is happening in your body and in your mind. Lorsqu'on pratique la méditation vipassana, selon les instructions du Bouddha, on s'efforce de comprendre ce qui se passe dans son propre corps et dans son propre esprit. La méditation vipassana, c'est donc une introspection de son propre corps et de son propre esprit. Lorsque l'attention se sera développée, la concentration va apparaître, l'esprit sera concentré, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus d'empêchement. L'esprit sera pur et clair. Un esprit pur et clair voit la réalité dans le corps et dans l'esprit. Mais si l'esprit n'est pas pur, s'il n'est pas clair, il n'est pas possible de voir clairement la réalité dans son propre corps et dans son propre esprit. Dès le moment où vous serez devenu capable de voir la réalité dans votre propre corps et dans votre propre esprit, vous serez en mesure d'accepter ce que le Bouddha a annoncé, les trois caractéristiques des phénomènes, l'impermanence, la souffrance et le non-soi. Si vous voulez donc voir la réalité et réaliser l'enseignement du Bouddha, efforcez-vous d'être attentif. Le Bouddha nous dit que ce corps est laid, qu'il n'est pas désirable, qu'il est pourri. Mais nous ne voyons pas cela. Nous ne pensons pas de la même façon, parce que nos esprits sont illusionnés, ils sont contaminés par les empêchements. Il n'est donc pas possible d'accepter cet enseignement du Bouddha, il est très difficile de l'accepter. Du temps du Bouddha, un brahmane du nom de Wokali était très impressionné par la beauté physique du Bouddha. Il souhaitait toujours pouvoir le contempler. Il en arriva même à se faire moine, non pas pour pratiquer la méditation, ni pour étudier les Écritures, mais pour avoir la possibilité de se trouver souvent tout près du Bouddha pour pouvoir le contempler. Au début, le Bouddha ne lui dit rien. Juste avant la retraite du Vassa, la retraite de la mousson, le Bouddha lui dit « Wokali, pourquoi me regardes-tu constamment? Ce corps est laid, indésirable, pourri. » Mais on ne peut pas accepter ces paroles du Bouddha sans avoir vu la réalité dans son propre corps et dans son propre esprit. Vous pouvez investiguer votre propre corps et votre propre esprit pour vérifier ces paroles du Bouddha. Selon le Satipatthana Sutta, selon les instructions, vous vous efforcez d'être attentif à tout ce qui se manifeste dans votre propre corps et dans votre propre esprit. Vous essayez de tout noter. Au début, vous serez confronté aux empêchements. Il faudra que vous vous efforciez de les éliminer. Il y a tout d'abord le désir sensuel, kamachanda nivarana. Ensuite, vyapada nivarana, la colère, l'énervement, l'anxiété. Ensuite, la somnolence et la torpeur. L'agitation et le remords, et enfin le doute. Ces empêchements devront être surmontés. Tant qu'ils seront dans votre esprit, cet esprit ne sera pas pur. Il ne verra pas clairement les choses. Il faudra donc que le yogi fournisse un effort, une énergie mentale, pour noter attentivement tout ce qui se manifeste dans son corps et dans son esprit. Si l'esprit reste fixé sur l'objet, les empêchements vont disparaître. Cet esprit va devenir pur et clair. Lorsque l'esprit adhère à l'objet, il est pur. Vous pouvez noter attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Au début, lorsque vous notez ces mouvements, vous êtes capable de voir que l'abdomen se soulève à l'inspiration et qu'il s'abaisse à l'expiration. Vous voyez clairement ce mouvement de dilatation et ensuite le mouvement de contraction. Vous êtes également capable de noter les autres objets comme voir, entendre, penser, sentir. À force d'observer ainsi, la force de l'attention va se développer et vous verrez de plus en plus clairement. Au début, vous voyez donc le mouvement lorsque le soulèvement de l'abdomen se produit et lorsque l'abaissement de l'abdomen se produit. Vous êtes capable maintenant de voir le milieu du soulèvement et le milieu de l'abaissement, autrement dit la partie la plus proéminente. Vous notez attentivement et vous disposez de la force de l'attention. Vous n'êtes pas capable de voir toujours le mouvement ou la partie centrale du mouvement, mais vous vous efforcez d'être très attentif. Plus vous êtes attentif au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, mieux vous comprenez. Au début, vous n'étiez pas en mesure de voir le début, le milieu et la fin de ces mouvements. Vous n'étiez capable de voir que la partie centrale, la partie la plus proéminente. Mais après quelque temps, lorsque l'abdomen se soulève, vous êtes capable de voir le début de ce mouvement et vous êtes capable de le voir se terminer. À la fin du mouvement de soulèvement, vous êtes même capable, si vous êtes très attentif, de ressentir une pression. Au moment où l'abdomen s'abaisse, si vous êtes très attentif, vous pourrez constater après quelque temps que ce mouvement débute et qu'ensuite il se termine. Vous êtes également capable de voir à la fin du mouvement d'abaissement quelque chose qui pousse vers le bas, une espèce de tension. Un yogi qui donc note attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen en arrivera tôt ou tard à voir clairement. Il voit clairement le mouvement de soulèvement. Ceci veut dire qu'il est capable de le voir débuter et se terminer. Il voit clairement le mouvement d'abaissement, ce qui veut dire qu'il est capable de le voir débuter et terminer. Ce yogi voit clairement. Vous êtes donc capable de voir le début, le milieu et la fin du soulèvement, le début, le milieu et la fin de l'abaissement, et vous voyez cela très clairement. Pourquoi? Parce que vous avez développé votre attention. Sans attention, sans la force de l'attention, il est impossible de voir clairement. Il faudra pour cela que vous ayez la continuité de l'attention. Ceci dépend essentiellement de la durée et de la qualité de la pratique. Vous ne pourrez pas interrompre votre attention. Vous devrez pratiquer de façon respectueuse. Lorsque vous regarderez, que vous entendrez certaines choses, que vous serez amené à devoir faire des mouvements, il faudra que chaque fois vous le fassiez avec attention. Vous devez emmener votre attention partout avec vous. S'il le fait, le yogi verra les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen très clairement. L'attention est très importante. Elle peut être comparée à un gardien. Si le gardien est distrait, les voleurs pourront s'introduire dans la maison. Mais si le gardien est très attentif, très alerte, aucun voleur ne pourra pénétrer dans la maison. C'est la même chose en méditation. Si l'attention est faible, le méditant ne voit pas parce qu'il est assailli par les empêchements. L'attention est donc très importante si on veut réaliser la vérité à propos de soi-même. Ne recherchez rien. Ne vous attendez à rien. N'espérez rien. Tout va se manifester de soi-même lorsque l'attention sera devenue très forte. Le yogi doit comprendre que c'est l'attention qui est l'élément capital si on veut réaliser la vérité. Si vous êtes capable de voir le début, le milieu et la fin des mouvements, cela veut dire que votre attention est devenue très forte. Vous êtes capable de voir les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen de façon précise, mais également les autres objets. Et tout ceci devient facile. Lorsque vous notez « voir », vous expérimentez la disparition de ce phénomène. Lorsque vous notez « sentir », vous expérimentez également certaines choses facilement. Lorsque vous notez « toucher », vous verrez également la disparition du phénomène. Lorsque vous notez « penser », et également au moment de la marche, lorsque vous observez les phases du pas, vous verrez tout cela facilement, parce que vous êtes disposé dorénavant de la force de l'attention. Ceci va vous permettre de réaliser la nature transitoire des phénomènes. Au début, lorsqu'il y avait des pensées, vous n'étiez pas en mesure de les noter à l'instant précis où elles se manifestaient. Vous ne les notiez qu'après un certain temps. Mais maintenant que votre attention s'est développée, lorsque les pensées se manifestent dans l'esprit, vous êtes capable de les noter immédiatement, et de ce fait, vous êtes en mesure de les voir disparaître. L'esprit qui note est devenu puissant. Grâce à cela, vous voyez clairement les phénomènes physiques et mentaux. Quand l'attention est devenue puissante, vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, et en même temps, vous êtes capable de percevoir les autres objets. Les autres objets vont vous apparaître spontanément à l'esprit. Vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et vous êtes en mesure de ressentir la chaleur, la dureté, le froid partout dans le corps. Parfois, alors que vous êtes occupé à noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous prenez conscience qu'il y a de la salive dans la bouche. Vous notez salive. Vous allez ensuite rassembler cette salive et vous notez rassembler. Vous allez avaler et vous prenez conscience que vous avalez. Tous les petits détails vont vous apparaître spontanément lorsque votre attention sera devenue forte. Lorsque vous notez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen très attentivement, vous êtes maintenant en mesure de percevoir le moment où le soulèvement débute, le moment où il se prolonge et le moment où il s'arrête. Et c'est la même chose pour le mouvement d'abaissement. Vous êtes maintenant en mesure de voir ce mouvement débuter, vous le voyez se prolonger et vous voyez le moment où ce mouvement s'arrête. Vous êtes maintenant en mesure de réaliser par vous-même et d'accepter ce que le Bouddha annonce, que tout est changement. Vous êtes capable d'accepter l'enseignement du Bouddha parce que vous l'avez expérimenté dans votre propre corps en observant les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous avez également expérimenté le changement au niveau de l'esprit. Tout ceci va faire apparaître la satisfaction et la joie. Vous êtes heureux parce que vous avez réussi à noter correctement. Vous avez la continuité de l'attention. Vous réalisez également que ces changements sont en fait une souffrance. Y a-t-il quelque chose de plaisant dans tous ces phénomènes? Il y en a beaucoup qui se manifestent les uns après les autres, sans arrêt, et il faut chaque fois les noter. Il y a des pensées qui seront parfois positives, parfois négatives. Il y aura toutes sortes d'autres phénomènes et vous les voyez chaque fois disparaître. C'est sans cesse qu'ils apparaissent et disparaissent. Ceci, c'est dukkha, la souffrance, et vous l'avez réalisé. Vous réalisez également qu'il n'y a personne à l'intérieur des phénomènes. Vous réalisez cela parce que votre attention est devenue puissante. Si votre attention n'était pas devenue puissante, vous ne réaliseriez rien. Tout ceci va faire surgir la confiance dans le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Lorsque vous notez les objets qui se manifestent aux six portes sensorielles, vous comprenez maintenant qu'ils n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître. Vous voyez le mouvement de soulèvement apparaître et vous le voyez disparaître. L'apparition, c'est la naissance, la disparition, c'est la mort. Comme nous sommes des êtres ordinaires, que nous ne sommes pas encore illuminés, nous avons peur de la mort. Hier, je vous ai parlé de Moggallana Thera et de Sariputta Thera, qui, avant de rencontrer le Bouddha, au retour d'une fête, ont ressenti un sens de l'urgence. Ils se sont mis en quête de l'état sans mort. Ils se sont dit que s'il y avait la mort, il devait forcément y avoir l'état sans mort, Amata. Lorsque vous pratiquez Vipassana et que votre attention est devenue puissante, vous êtes capable de noter tout ce qui apparaît dans votre propre corps et dans votre propre esprit à chaque instant. Vous réalisez ainsi les apparitions et disparitions successives des phénomènes. Ceci va avoir pour conséquence que vous n'aurez plus peur de la mort, car vous aurez expérimenté dans votre propre pratique que tout est toujours en train de naître et de mourir. Le Bouddha a parlé de Jati, Jara, Marana. Jati, c'est la naissance, Jara, c'est la vieillesse, Marana, c'est la mort. Par la pratique de Vipassana, lorsque l'attention est devenue suffisamment puissante, le méditant est capable de noter tout très attentivement. Il expérimente alors ce que le Bouddha a dit. Il n'y a jamais que Jati, Jara, Marana. Tout disparaît à chaque instant. Ce méditant est capable de comprendre en quoi consiste la mort, et en conséquence, il n'a plus peur de la mort. Il a compris que tout apparaît et disparaît constamment à l'intérieur de lui. Si vous disposez de la force de l'attention, votre esprit va donc se stabiliser. Vous n'aurez plus peur de la mort. Mais si vous ne disposez pas de la force de l'attention, vous aurez encore peur de la vieillesse et de la mort. Le Bouddha a parlé de cinq choses qui doivent être méditées régulièrement par les bhikkhus, par les bhikkhunis, par les samanéras et par les laïcs. Ces cinq choses sont tout d'abord la vieillesse. Il faut comprendre que c'est à chaque instant qu'on vieillit. Il n'est pas possible d'échapper au vieillissement. Quand on n'est pas encore arrivé à un âge avancé, comme par exemple 60 ou 70 ans, les gens pensent qu'ils ne vieilliront pas. Ils ne peuvent pas imaginer que cela va leur arriver. Mais en réalité, le processus du vieillissement se produit dès la conception. Par la pratique de Vipassana, on devient conscient des apparitions et disparitions des phénomènes. Et ceci va avoir pour conséquence que la vieillesse ne nous fera plus peur. Parfois, pendant la méditation, lorsque vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous pourriez expérimenter une sensation de chaleur quelque part dans le corps. Vous voyez parfois que cette chaleur se transforme en brûlure. Si vous expérimentez la chaleur ou le froid, vous devez savoir que c'est l'élément feu que vous expérimentez, Tejo Dhatu. Vous comprenez également que la dureté et la douceur, c'est l'élément terre. Et si vous expérimentez ces sensations, vous comprenez l'élémentaire. L'élément feu se manifeste de diverses façons. Lorsqu'on n'est pas malade, la chaleur n'est pas en excès dans le corps, elle a un niveau normal. Mais lorsqu'on est malade, la chaleur va s'intensifier. C'est la fièvre. Parfois, lorsqu'il fait chaud à l'extérieur, il y aurait également excès de chaleur. Ce type de chaleur est dû aux conditions extérieures. Parfois, lorsque vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous ressentez subitement une sensation de chaleur quelque part dans le corps. Cette chaleur va parfois devenir extrême, une sorte de brûlure. Lorsque les quatre éléments dans le corps sont en équilibre, la personne est en bonne santé. Mais si les éléments ne sont pas en équilibre, la personne est malade. Il y a encore un autre type de chaleur, la chaleur qui brûle le corps jour et nuit, depuis la conception. C'est un feu invisible. Il brûle la beauté, il brûle la peau qui devient ridée, il endommage les dents, il affaiblit la vision. Tout cela, ce sont les signes du vieillissement par le feu. Parfois, le soir, lorsque vous méditez, vous pourrez entendre des bruits dans votre estomac ou dans vos intestins. Ceci est dû au fait que l'estomac est vide. On appelle ce feu-là le feu digestif. Le feu brûle donc le corps. Lorsque donc vous notez attentivement le corps et l'esprit, vous réalisez les apparitions et disparitions constantes des objets. Vous comprenez dès lors l'enseignement du Bouddha et vous êtes en mesure d'accepter que le corps n'est pas désirable, qu'il est impermanent, qu'il est pourri. Ceci, c'est la compréhension juste. Vous comprenez correctement. Le vénérable Mahasi Sayadaw illustre tout ceci par l'exemple du pêcheur qui se trouve dans l'eau avec son filet de bambou. Il espère attraper du poisson. À un moment, il sent du mouvement dans le filet, plonge la main sous l'eau et en sort l'animal. Mais ce n'est pas un poisson. À sa grande surprise, c'est un serpent venimeux. Quand il a vu de quoi il s'agissait, il a voulu s'en débarrasser, il n'en voulait plus de cet animal. Ici, c'est la même chose. Avant de réaliser les apparitions et disparitions constantes des phénomènes, le méditant aime son corps. Il désire le posséder. Mais dès qu'il aura vu les apparitions et disparitions constantes des phénomènes, le détachement par rapport à son corps va progressivement s'installer. Si vous n'avez pas encore réussi à voir les apparitions et disparitions des phénomènes, ne soyez pas découragé. Le Bouddha nous demande de faire un effort, de travailler de façon respectueuse, de ne rien rechercher. Lorsque votre attention sera devenue très forte, vous verrez spontanément ces apparitions et disparitions. Le Bouddha demande aux yogis de travailler de façon diligente. If you haven't seen the rising fading away nature yet, don't be discouraged. What the Buddha taught, note it carefully. Put forth effort. Practice respectfully. Don't search for anything. When the mindfulness is getting stronger, you will see it automatically. That's why, as the Buddha taught, yogis have to practice diligently. That's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. Through your practice, may you understand the Dhamma clearly. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu.